Pourquoi? Parce que l'auteur ici a commencé à détailler shirku ta'til. Et on a dit qu'à présent, on peut rester sur le terme ta'til puisqu'on l'a explicité dans les assises précédentes. Shirku ta'til, ensuite, il dit cette première catégorie ou ce premier genre, pour bien le comprendre, se divise en trois catégories. En trois catégories. On a dit ahadu at-ta'til al-masnu' an sani'i. C'est le ta'til du créé, de la créature concernant son créateur, envers son créateur. Wa thani ta'til as-sani' an kamalihi thabiti lah. Le deuxième, c'est ta'til as-sani', c'est le fait de nier la perfection du créateur subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu que dans le premier, c'est lié à la seigneurie. Le deuxième, c'est lié à l'unicité, au domaine de l'unicité des noms et des attributs. Wa thalith ta'til mu'amalatihi amma yajibu 'ala al-'abd min haqiqati at-tawhid. Et le troisième, on voit, c'est la négation de cette relation qu'il doit y avoir pardon, entre la créature et son créateur, c'est-à-dire l'adoration. C'est-à-dire l'adoration. Ici, on voit qu'avec cette subdivision et l'explication de l'auteur, c'est pour qu'on puisse bien comprendre le shirk, la base et l'origine du shirk. De cette manière, l'auteur détaille bien l'origine de celle-ci. Donc, on va essayer de prendre quelques points qu'il y a dans le commentaire de Cheikh Fawzan, qui est lorsque je dis Sahib Kitab Ifadat al-Mustafid, vous avez compris, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, on va pas à chaque fois réitérer, c'est Samahat al-Sheikh al-Walid. On peut dire même pour le vivant, Rahimahullah, Hafidahullah ta'ala, et qu'Allah le préserve. Alors, il dit dans le commentaire, pardon. Alors, il dit dans le commentaire, pour qu'on puisse bien comprendre, le premier tartil est le masnou an sani'i. On a parlé de la terminologie et des termes employés par l'auteur. Donc, dans la dernière assise, on a parlé du terme as-sani'. As-sani' et al-masnou', qu'on peut dire aussi tartil al-makhlouq an khaliqihi. An khaliqihi. On pourrait l'expliquer aussi ou l'exprimer de cette manière. قال وهذا من أعظم أنواع التعطيل جحود الخالق. En réalité, ce tartil-là, c'est le juhud. C'est le juhud. Pour cela, c'est appelé aussi kufru juhud. Kufru juhud, c'est le juhud. Juhud al-khaliq. وجعل المخلوقات أحدثت نفسها. أحدثت نفسها. Et donc, dans cette première forme de négation, c'est le fait de nier l'existence du créateur. Et donc, les créatures, la création, il y a des causes pour leur existence. Alors ces causes, ça peuvent être désastres ou autre chose, ou la nature. Certains renient l'existence d'un créateur de cet univers et de toutes ces créatures. C'est ce qu'on appelle le juhud. Wa ta'til al-makhluq an khaliqihi. An khaliqihi. Et donc les événements dans cette vie, tout ce qui a été créé dans cet univers, ils font revenir cela à des asbab. Pour eux, il y a des causes à cela. Le croyant, lui, le monothéiste, eux considèrent que pour cet univers, il y a un créateur. Un créateur qui a tout créé. Et de ce fait, on ne pourrait jamais concevoir, par exemple, des choses dans la vie qui se font seules. Par exemple, des marchandises qui seraient affrétées. Par exemple, des marchandises qui viennent d'un continent à un autre sur un bateau. Et ce bateau, donc, s'est fait tout seul. Les marchandises ont été transportées toutes seules. D'où viennent ces marchandises? Qui est-ce qui les a fait? Elles se sont faites toutes seules, ou c'est cause d'astre ou autre. Même la fitra, la naturalité innée humaine, ne peut pas concevoir cela. Quel est le cas de la création des cieux et de la terre? Ça serait venu d'une explosion ou autre cause à désastre ou autre, la nature humaine ne peut pas concevoir cela. La nature innée fait que l'aube est liée à son créateur de sorte qu'il doit croire en son créateur subhanahu wa ta'ala qui l'a créé jalla jalalu. Et qala wa ta'til sani' an kamalihi thabit lahu. Et le deuxième donc ta'til as-sani' an kamalihi thabit lahu, c'est le fait de nier la perfection du créateur. Là c'est le deuxième. C'est le deuxième ta'til. On avait dit ça c'est lié au nom et aux attributs. Nier les noms d'Allah azza wa jall et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن تعطيل معاملتي عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. On a dit le troisième, c'est تعطيل العبادة. تعطيل العبادة لله عز وجل. Voilà les trois catégories de تعطيل cité. ثم قال المصنف ومن هذا الشرك شرك أهل الوحدة أو قيل شرك أهل الوحدة الوحدة ومنهم شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأباديته. Ensuite l'auteur ici va faire référence et il dit ومن هذا, et parmi cela il y a le shirk de أهل الوحدة. أهل الوحدة ici il fait référence à ce qu'on appelle وحدة الوجود, la doctrine qu'on appelle وحدة الوجود. Et ceux qui adhèrent à la doctrine de Wahdat al-Wujud, ils les nomment Ahlul Wahda. Ahlul al-Wahda. La doctrine de Wahdat al-Wujud, on peut la traduire par l'unité absolue ou l'existence unique. Ou il y a d'autres traductions. Il y a d'autres traductions à celle-ci. Et l'un des fondateurs de cette croyance, c'était un homme célèbre qui se nommait Ibn Arabi. C'est un homme célèbre, auteur de, parmi les livres célèbres de cet auteur Ibn Arabi, Al-Futuhat Al-Mekkiya. Al-Futuhat Al-Mekkiya. Et aussi, il a un livre célèbre, aussi connu, qui s'appelle Fusus Al-Hikam. Fusus Al-Hikam. Donc c'est bien de le savoir pour ceux, pourquoi ? Parce qu'il y a des paroles qui lui sont attribuées. C'est tellement dur d'y croire qu'on peut en arriver là. C'est tellement dur de croire cela. Alors certains peuvent, malgré qu'il ne faille pas s'y référer, mais en tout cas les gens peuvent vérifier ces propos qui lui sont attribués, surtout dans ces œuvres-là. Et Ibn Arabi, c'était un homme qui est mort en mi-7e, au 7e siècle de l'Hégire. Il est mort en 638 de l'Hégire. 638 de l'Hégire, ce qui donne dans l'ère grégorienne en 1240. En 1240. Et lui, il s'appelait Mohammed Ibn Ali Ibn Mohammed Ibn Arabi. Ibn Arabi. Bien cité pour faire la différence avec un savant connu d'Andalousie. Lui aussi, il était d'Andalousie, mais un savant connu qui est né à Séville, Ishbiliya, comme c'est appelé en arabe, Al-Ishbiliya, qui est né à Ishbiliya, ensuite qui décédera plus tard à Fès. Il décédera plus tard à Fès au Maroc. Un savant connu. Lui, il s'appelait Ibn al-Arabi. Et donc, les savants ont fait la distinction entre les deux en mettant Alif wal-Lam. L'autre, ils ont enlevé Alif wal-Lam. Ils disent Ibn Arabi. C'est justement le fondateur, puisque beaucoup ensuite attribuent cela à lui, le fondateur de la doctrine de Wahdat al-Wujud. L'existence unique, comme on va voir dans ce qui va suivre, ou l'unité absolue, ou d'autres traductions ont été données. Al-Muhim, lui, Ibn Arabi, ce n'est pas le savant qui était connu sous le nom de Al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi. Ça, c'est un autre savant qui est l'auteur du célèbre livre Al-Awasif min al-Qawasif. Al-Awasif min al-Qawasif, c'était un célèbre livre où il y a du talikh. Un célèbre livre où il y a l'histoire qui relate des événements, et cet auteur était juste concernant les événements qu'il rapporte dans son livre d'histoire lié à l'Empire Omeyyade. Puisqu'à l'époque, beaucoup de livres étaient, est écrit dans l'histoire, et beaucoup relataient des choses fausses concernant l'Empire Omeyyade ou des injustices à leur encontre. Et lui a un livre où il reste juste dans ce qu'il relate. Dans ce qu'il relate, et c'est pour ça que c'est un livre de référence. Et aussi, il cite Mawaqif, Sahaba wa al-Ulama, à l'époque de certaines fitnes qui étaient apparues. Donc c'est un livre dans le domaine aussi du Tarikh qui est célèbre. Al-Awasif min al-Qawasif. Justement, du célèbre Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi. Lui, il est mort en 543. En 543 de l'Égypte. Donc lui est célèbre. Et il est surnommé Al-Maliki. Abu Bakr ibn al-Arabi Al-Maliki. Al-Maliki. Et donc lui, ce n'est pas celui dont on traite là, le fondateur de la doctrine Wahdat al-Wujud, que lui c'est Ibn Arabi, décédé en 638. Lui il s'appelait Mohammed ibn Ali ibn Mohammed ibn Arabi. Ibn Arabi, il était connu sous le nom de Ibn Arabi al-Hatimi al-Ta'i. Il était connu sur ce nom et c'est lui l'auteur de Al-Futuhat al-Makkiyah. Al-Futuhat al-Makkiyah. L'auteur de Ifadat al-Mustafid résume leur croyance. Maintenant, qu'est-ce que cette doctrine dure à concevoir d'en arriver là. Qala wa min ash-shirki shirki ahli al-wahda ay ahli al-wahda al-wujud. Ahl wahda al-wujud alladhina yaqulun laysa hunaka makhluq wa khaliq. Al-kawn kulluhu huwa Allah. Wa alladhi yaqul inna al-kawn yanqasim ila makhluq wa khaliq mushrik 'indahum. أما الموحد فهو الذي يقول ليس هناك مخلوق وخالق بل الكون كله هو الله وأهل الوحدة الوجود ابن عربي والحلاج وأتبعهما. Qu'est-ce que cette doctrine qu'on appelle l'existence unique? C'est tout simplement يقولون, ils disent que ليس هناك مخلوق وخالق. Tout cet univers, c'est Allah pour eux. Tout l'univers. Il n'y a pas le créateur et les créatures. Il n'y a pas le créateur et les créatures. Tout cet univers pour eux, c'est Allah. C'est Allah de sorte que pour eux, Al-Muwahid, le Tawhid, c'est quoi? C'est l'unité de l'existence. C'est ça pour eux, le Tawhid. Et pour eux, qu'il y ait cette subdivision entre créateur et créature, pour eux, c'est pas ça de Tawhid. Et donc, pour eux, alors, et dont le fondateur Ibn Arabi et d'autres, Al-Hallaj, ils considèrent que tout cet univers, les créatures, c'est une part du créateur. Wal-Ayyadu Billah. Wal-Ayyadu Billah. Jusqu'à ce qu'il lui est attribué, regardez, pour bien comprendre, une parole. Regardez. Ça, c'est une parole qui lui est attribuée. Et c'est à partir de ces paroles que des savants ont déduit sa doctrine. On déduit sa doctrine. Lorsqu'il dit l'esclave est le Seigneur et le Seigneur est esclave. Voilà, Iyadou Billah, qu'Allah préserve de ses propos. Que je désire connaître qui est le redevable. Si je dis c'est l'esclave, ça sera la vérité. Et si je dis c'est le Seigneur, pourquoi devrais-je être redevable. Donc c'est de la philosophie. Et là, de cela, les savants ont déduit la doctrine Wahdat al-Wujud, comme dans d'autres propos aussi qui ont été dits. En français, ils appellent ça aussi la doctrine du panthéisme. C'est appelé aussi la doctrine du panthéisme. Et même si vous regardez dans des définitions du panthéisme, même si ce qu'on définit dans une définition française, qu'est-ce que le panthéisme? Même eux considèrent que c'est contraire au monothéisme, ça. Puisque dans une définition que vous pouvez retrouver, ils disent le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout. C'est ça, Wahdat al-Wujud. Et donc, regardez ce qu'ils disent. Elle se distingue du monothéisme en considérant que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, qu'il est l'intégralité du monde. Même dans cette définition, ils disent, regardez, ça se distingue du monothéisme. Ce n'est pas le monothéisme. Et ça, c'est l'exagération. Et lorsque beaucoup de ces doctrines ont émergé dans le monde musulman, lorsqu'ils se sont inspirés de certaines philosophies. Ensuite, c'était juxtaposé dans leurs croyances. Et ensuite, de là, naquit et émergea des dérives. Ces sortes de dérives. C'est pour cela que on avait appris que Allah Azzawajal est le créateur de ce monde. Et le créateur de ce monde. On avait dit, le monde c'est Al-Alam. Le pluriel, Al-Alamin. Al-Alamin. Et nous faisons partie de ce monde. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est Al-Alam. Tout ce qui est en dehors d'Allah, vous avez vu, même l'auteur de Usul al-Thalatha le dit bien. Tout ce qui est en dehors d'Allah, Azzawajal, c'est Al-Alam. Et nous, on fait partie de ce monde. On fait partie de ce monde. Mais nous ne sommes pas une partie du Créateur. Et ce monde n'est pas une partie du Créateur. Le monde, la création et le Créateur ne font pas qu'un. C'est faux. Et c'est pour ça que l'auteur ici fait allusion à cela. Qala wa min hadha ash-shirk shirku ahli al-wahda wa minhu shirku al-malahida al-qa'ilina bi qidam al-alam wa abadiyatihi wa anna al-hawadith bi asriha mustanida ila asbab wa wasa'it iqtadat ijadaha aw iqtadat ijadaha wa yusammunaha al-uqul wan-nufus wa minhu shirk معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلات المعتزلة وغلات المعتزلة قال وأن الحوادث قال وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ويسمونها العقول والنفوس بمعنى ولا ترجع إلى الله عز وجل إنما هي أسباب موجودة تؤثر تأثيرات هذه الأسباب ليس لله فيها تدبير ولا خلق من الذين خلق من الذي خلق الأسباب وأوجد الأسباب والأشياء لها أسباب لكن من الذي خلق الأسباب وجعل فيها خاصية المسببات إلا الله فهذا تعطيل c'est pour ça que l'auteur ici a mis cette catégorie dans At-Ta'til. Ensuite, il dit wa min shirki al-mu'attila. Ensuite, maintenant, il va faire allusion et parmi le Ta'til, Ta'til al-asma wa sifat. Là, maintenant, il va faire allusion Ta'til al-asma wa sifat. Et les doctrines qui ont émergé dans le monde musulman qui ont nié la perfection d'Allah Azza wa Jal, les noms et les attributs. Donc là, on est dans la deuxième catégorie Ta'til as-sani' an kamalihi thabit. Lahu. Dans une deuxième catégorie, qala kal jahmiya wal qaramita wa ghulat al mu'tazila. Wa hadha an-naw' huwa ta'til alladhina yu'minuna billah. Donc regardez. Ce ta'til là, c'est le ta'til de gens qui à la base croient en Allah. Là, ils croient en Allah. Mais par exemple dans cette catégorie, ils vont nier la perfection du créateur subhanahu wa ta'ala en niant ses noms sublime et ses attributs de perfection. Comme c'était le cas de Al-Jahmiya, et va citer des exemples de doctrines qui ont émergé dans les premiers siècles de l'islam. Wa minhum man ya'budu ghayra Allah wa hum al-mushrikun fa yu'attiluna tawhid al-uluhiyya wa yuthbituna tawhid ar-rububiyya. Wa amma hadha an-naw' kama qala huwa ta'til alladhina yu'minuna billah. Wa minhum man ya'budu Allah wa hum al-Jahmiya wa al-Mu'tazila wa ya'buduna Allah ولكن يشهدون أسماءه وصفاته وإلا فهم لا يعبدون الأصنام ولا الأوثان ولا القبور ولكن يجحدون الأسماء والصفات يجحدون الأسماء والصفات. Dans cette catégorie, ils n'adorent pas des fausses divinités ou des faux dieux. Ils n'adorent pas ce qu'on appelle l'asnam, des fausses idoles. Mais eux, ils adorent Allah Azza wa Jal. Mais ils renient les noms d'Allah, les noms divins et les attributs de perfection. De ce fait, ils sont considérés comme mu'attila. De ce fait, ils sont considérés comme dénégateurs. Du fait qu'il nie la perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est ce qisme-là qu'il appelle ta'til al-sani' an kamalihi thabitilah. C'est cette partie-là. La partie précédente, on en a parlé. Ta'til al-masnu' an sani'i. Ça, on en a parlé précédemment. Dans la deuxième partie, ceux qui sont célèbres, qui sont apparus dans la négation des noms divins et des attributs de perfection, al-jahmiya, comme on avait dit, al-jahmiya nisbatan il al-jahmi ibn Safwan, un homme qui s'appelait Jahm ibn Safwan. لأنه هو الذي اعتنق هذا المذهب ونشره. Lui à la base, c'est lui qui a été partisan de cette doctrine. Ensuite, c'est lui qui est le leader du fait que c'est lui qui l'a propagé dans les premiers siècles. C'est lui qui a propagé la doctrine et de ce fait, ses partisans ensuite ont été apparentés et affiliés à lui. C'est pour ça qu'on les appelle al-Jahmiya, de cet homme qui s'appelait Jahm. Jahm, le fils de Safwan. Et il s'appelait Jahm, donc ensuite, ses partisans et les disciples ont été affiliés à lui et ont été surnommés al-Jahmiya. Et ensuite, la doctrine, elle a été nommée de la sorte. Elle a été nommée de la sorte. Et parmi leurs croyances, dans les noms et les attributs, c'est la négation totale. La négation totale des noms et des attributs. De ce fait, ils sont appelés Mu'attila. Pourquoi ? Parce que c'est du Tartil. C'est de la négation. De ce fait, ils sont appelés Mu'attila. Et dans la question du destin, Al-Jahmiya, ils étaient Jibrites. C'était des Jibriya. Al-Jibriya, c'est une tendance qui, eux, ont affirmé le destin avec excès et exagération. C'est la tendance contraire et inverse au Qadariya. C'est l'extrême de Al-Qadariya dans la question du destin. Al-Qadariya, qui sont apparus à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les négateurs du destin. Ensuite, plus tard, émergea cette doctrine qui fut appelée Al-Jibriya. Al-Jibriya, eux, à l'inverse, ils ont affirmé le destin, mais avec exagération et excès. Avec exagération et excès. Donc on a les deux extrêmes. D'un côté, Al-Qadariya, et de l'autre côté, Al-Jibriya. Sauf que, à un moment, à travers l'histoire, plus tard, quand d'autres doctrines et tendances innovatrices sont apparues, parfois, il y a eu des fusions. Par exemple, dans la question du destin, Al-Jahmiya a adopté la croyance et la doctrine d'Al-Jibriya. C'est pour ça que Al-Jahmiya, on dit, ils sont en français jibrites. Ils sont jibrites dans la question du destin. Eux, à l'inverse, par exemple, la doctrine des Mu'tazilites, dont l'un des fondateurs était Wasil ibn Atta, ça c'était comme on avait déjà stipulé cela à l'époque de l'Hassan al-Basri, à l'époque, lorsqu'il s'est isolé, et Atazala. Ils se sont isolés des cercles de science et des cercles de savoir de l'Hassan al-Basri, Fasumu al-Mu'tazila. Parmi les fondateurs et les leaders de l'Mu'tazila à l'époque, Wasil ibn Atta wa Amr ibn Ubayd. Eux, ensuite, dans la question du Qadar, par exemple, ils ont adopté, eux, la croyance de l'Qadariya. C'est pour cela qu'on les appelle Al-Qadariya al-Mu'tazila. Il y a une fusion. Donc, Al-Mu'tazila, eux, dans la question du Qadar, ils sont Qadarites. Tandis que Al-Jahmiya, eux, ont adopté la croyance dans le Qadar de Al-Jibriya. Par exemple, dans la question de l'Iman, de la foi, Al-Jahmiya, ils sont Murjites. Mais c'est Roulette, Al-Murji'a. C'est Roulette, Al-Murji'a. Donc selon la croyance, les doctrines adoptent une croyance. Pourquoi ? Parce que ces sujets-là, ensuite, ont fait débat dans les premiers siècles, et lorsqu'il y a eu ces débats-là, et lorsqu'ensuite ils n'ont pas adopté la position des compagnons et des successeurs, ensuite c'est là que naquit et émergea des pensées qui n'étaient pas connues, des pensées que les musulmans ne connaissaient pas. Comme la doctrine plus tard qui viendra de Wahdat al-Wujud. La doctrine, par exemple, de la négation du destin. La doctrine, lorsqu'il y a eu un débat sur la question de l'hymen, et émergeaient justement ces tendances extrêmes, ces extrémistes comme Al-Khawarij. Et le Mu'tazila aussi ont adopté la position en réalité de Al-Khawarij dans la question de l'hymen. Donc des débats sont apparus déjà dans les premiers siècles. Des débats concernant les noms et les attributs. Mais c'est venu après. Ils ont d'abord parlé et débattu sur la question de l'hymen. La question de l'hymen a fait débat. C'est pour ça que ensuite émergèrent la doctrine de l'Khawarij. La doctrine avec un inverse. Son inverse, Al-Murji'a. La doctrine de Al-I'tizal ont émergé. Lorsqu'ils ont débattu sur la question de l'hymen. Lorsque le débat fut sur la question du Qadr, émergèrent, par exemple, Al-Qadariya ou Al-Jibriya et autres. Lorsqu'ils ne se sont pas contentés des enseignements des compagnons du prophète, ensemble, que eux-mêmes avaient appris et hérité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'était déjà dans les premiers siècles. Déjà, vous avez vu, des doctrines et des firaqs ont émergé. Et en tout temps, émergent des doctrines, des fractions, des sectes. En tout temps. C'est pour ça que le croyant doit se préserver. Et surtout, fait un khilizaman, à la fin des temps, alors encore à plus forte raison, que des pensées émergeront, des doctrines émergeront, et c'est pour cela que le prophète, ensemble dans un hadith, nous a averti au sujet de cela. Cet iftariq, hadhihi al-umma ala 73 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. Un très beau savant, vous avez tous compris le récit, hein? Un très beau savant, que cette nation va se diviser en 73 fractions. Le hadith est jugé bon. C'est vrai que ça a été problématique pour beaucoup de penseurs, et pour même certains savants musulmans, et pour beaucoup de théologiens. Mais les grands spécialistes disent que ce hadith est jugé bon. Par contre, pour les partisans de la sunna, ce hadith n'a pas posé de problématique. Un grand savant a une très très belle réflexion. Très belle faïda sur ce hadith. Il dit, lorsqu'on entend ce récit, tu dois penser toi à ta conduite. Souvent, lorsqu'on l'entend le récit, on commence à se poser des questions, on commence à observer qui sont ces firaqs, ces fractions, ces doctrines, ces dérives, quelles sont-elles, etc. Donc on a plein d'interrogations. Mais un grand savant a une très belle réflexion en disant la sagesse de cela. La question que tu dois te poser, même au qif, toi, ta position à toi face à cela, que dois-tu faire? Donc ton but, c'est de préserver ta personne. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, lorsqu'ils interrogèrent le prophète, mais qui est alors ce groupe qui sera sauvé? Et le prophète a dit, Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Donc notre position, c'est ça. Ça, c'est une épreuve. Que fait-on? Que doit faire le musulman? Que doit faire la musulmane face à cela? Être sur les enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses compagnons. Comme cela. C'est ça la question qu'il faut se poser. Que dois-je faire? Quelle est la sagesse à travers cela? Quelle est notre position? Suivre les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Alors il a cité comme exemple Al-Jahmiya, comme on l'a dit, et il cite aussi comme exemple Al-Qaramita. Al-Qaramita, ce sont les partisans d'un homme qui était fondateur d'une doctrine, qui était surnommé Qaramita, lui-même s'appelait, qui était affilié à lui, lui-même s'appelait Hamdan Qarmat. Et de là, tous ses disciples ensuite ont été affiliés à lui, de cela ils ont été nommés Al-Qaramita, qui étaient des Batinites. Ce madhab qui était propagé à l'époque de l'Empire Fatimide, comme ils l'ont appelé. L'Empire Fatimide, ce madhab qui était propagé à l'époque. Et c'est eux, entre autres, qui avaient dérobé pendant une vingtaine d'années la pierre noire, comme c'est cité dans les livres d'histoire. Pendant 20 ans, ils avaient dérobé la pierre noire pour qu'elle soit ensuite récupérée. Et il y a de nombreux faits qui sont mentionnés. Taïb. ثم قال النوع الثاني شرك تمثيل. النوع الثاني شرك تمثيل. Et là, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il va faire un résumé. Maintenant, on va commencer dans la deuxième forme de shirk al-tamthil, liée à l'assimilation. قال فلما فرغ المؤلف من بيان الشرك في توحيد الألوهية الذي هو مثار النزاع بين الأنبياء وبين أمامهم من المشركين ومعنى لا إله إلا الله توحيد الألوهية ثم انتقل إلى بيان الشرك الذي وقع في الربوبية وهو على نوعين. Alors il dit l'auteur, et on l'a vu hein, tout au long de l'œuvre, après qu'il ait fini de clarifier l'unicité liée à la divinité, à l'adoration, domaine de l'adoration, et c'était ça la divergence qu'il y avait entre les peuples et leurs prophètes. En général, vous avez vu lorsque vous lisez, et ça nous permet de bien comprendre les histoires qu'il y a dans le Coran, de bien méditer les histoires qu'il y a dans le Coran. Et comme on avait fait un rappel dans des assises précédentes, il est important de méditer ces histoires qu'il y a. Les histoires des différents prophètes, elles ne sont pas citées dans le Coran en vain. Comme l'histoire du prophète Nour. Dans la tradition musulmane, il est connu sous le nom de Nour, alayhi salam, que la paix soit sur lui, Noé, avec l'histoire du déluge. Le plus grand déluge que la planète ait connu. Il n'y aura plus un déluge comme celui-ci. Et ça, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de ça, c'est une histoire très importante à connaître. L'histoire des différents peuples cités dans le Coran. Aad ou Thamoud, qui ont encouru la colère divine. Pourquoi ? Les causes. Et tout ça, c'est relaté dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous relate les histoires des prophètes et des messagers à méditer. Et donc, il dit, lorsqu'on observe les histoires des prophètes et des messagers, on voit que la divergence qu'il y avait entre les prophètes et les messagers, c'était sur le domaine de l'adoration. Wa ma'na la ilaha illallah. توحيد الألوهية ثم انتقل إلى بيان الشرك الذي وقع في الربوبية. Sauf que l'auteur ensuite a commencé à clarifier le shirk lié au domaine de l'unicité de la seigneurie. De l'unicité de la seigneurie. C'est ça qu'on est en train de développer là. Et donc c'est pour ça qu'il a cité shirk al-ta'til ou al-juhud. Comme on l'a cité précédemment, qui était comme par exemple, à titre d'exemple, le polythéisme de Pharaon. Comme on l'a cité dans la dernière assise. À titre d'exemple, le polythéisme de Pharaon. ثم قال النوع الثاني التمثيل والتشبيه. Maintenant, la deuxième catégorie, il dit تمثيل والتشبيه. D'assimilation et de ressemblance, de comparaison. فهم مثبتون وجود الله عز وجل ولكنهم يشبهون به غيره. من مخلوقاته ويمثلون ويجعلونها مثل وعديل وشبيها لله عز وجل وهذا شرك التمثيل. Là, ce shirk là, c'est le fait de donner des semblables au créateur. Donner des semblables au créateur. Le fait de faire ressembler le créateur aux créatures. Le fait de faire ressembler le créateur aux créatures. Et on avait déjà vu, comme on verra plus en détail dans ce qui viendra, il y a une différence dans ce qu'on dit, le fait de faire ressembler les créatures au créateur et le fait de faire ressembler le créateur aux créatures. Donc là, c'est tashbih al-khaliq bil-makhlouqat. Bil al-makhlouqat. Et donc, il y a une différence entre les deux expressions. Et donc, ce shirk-là est lié à l'assimilation et la comparaison. Le fait de comparer le créateur à ces créatures. ويمثلون ويجعلونها مثل وعديل وشبيها لله عز وجل وهذا شرك التمثيل. Pourquoi? Parce que pour nous les croyants, pour nous les musulmans, dans notre religion, Allah عز وجل n'a pas de semblable. لا مثيل له. Allah n'a pas de semblable. Donc rien ne lui est comparable. Rien ne lui est comparable. Et donc les attributs divins sont en aucun cas comparables aux attributs des créatures. Lorsqu'on dit que, par exemple, parmi les attributs d'Allah, le fait, il y a sifat al-kalam, par exemple, l'attribut de la parole, le fait qu'Allah azza wa jalla yatakallam, Bimasha, Matasha, Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal peut parler quand il le veut, de ce qu'il veut. L'être humain aussi, les créatures aussi parlent, sauf que c'est incomparable. Kalam Allah, la mathila la. Allah, la mathila lahu. Allah n'a pas de semblable. Donc, sans sifat, on ne peut pas comparer la parole, l'attribut de la créature, au créateur. Laïsa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Il n'y a rien qui est semblable à lui. Il est certes as-sami' wa al-basir. C'est pour ça que tous les attributs qu'on retrouve dans le Saint Coran, dans le Saint Livre, dans la tradition aussi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman et la musulmane dans notre religion, on les affirme et les confirme avec quatre conditions. Bila ta'til, le même terme qu'on est en train d'étudier. Sans négation, bila ta'til. Wala tahrif, sans falsification. Wala takyif, sans chercher le comment. Wala tamthil, et sans faire de comparaison. C'est ça, la comparaison. On ne peut pas comparer le créateur au créateur. Allahu as-sami'a. Une traduction littérale, relative, rapprochée. Allah est celui qui est l'audient. As-sami'a. Ça, c'est l'un de ses noms. C'est le nom sublime d'Allah Azza wa Jalla, as-sami'a. Ça sous-entend l'attribut de as-sama'a. Ça sous-entend l'attribut de l'audience. Donc, les créatures d'Allah, les êtres humains, entendent. Mais en aucun cas, c'est comparable à l'audience du créateur, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, c'est « kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala ». C'est comme il lui convient à lui, comme il sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, est-ce qu'Allah entend tout ? Est-ce qu'il a l'attribut de l'audience ? Eh non, bila shak, bila ta'til. On n'a pas le droit de nier cela, puisque c'est dit dans le Coran. Huwa as-sami'a. Taïb. Quel est le sens de cela ? Le sens est clair dans le Coran et dans la langue arabe. Et le Coran a été descendu d'une langue claire et explicite. Donc on ne peut pas le falsifier le sens. Pourquoi ? Parce que la falsification sous-entend tahrif al-ma'na ou tahrif al-lafz. Donc il y a un tahrif qui est lafzi et il y a un tahrif qui est ma'nawi. Donc ni on a le droit en tant que musulman de falsifier les sens des versets comme on n'a pas le droit de falsifier l'énoncé même de nos textes. On n'a pas le droit. Vous avez vu, ne serait-ce qu'une voyelle, on n'a pas le droit de la changer ou de l'altérer. Par contre, c'est quoi qu'on ne sait pas ? Le sens, on le connaît, de l'audience et de tous les attributs. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est le comment. Comment ? Allahu a'lam. On ne sait pas. Parmi d'autres attributs, il y a des attributs qu'on appelle sifat al-fi'liya, et il y a des sifat qui sont dhatiya. Il y a des sifat, des attributs qui sont liés à l'essence même et l'entité même du créateur, subhanahu wa ta'ala. Et il y a des attributs qui sont des sifat al-fi'liya, des attributs d'action. Minas sifat al-fi'liya, parmi les attributs d'action, al-istiwa, par exemple. Al-istiwa, c'est un attribut d'action. Minas sifat al-dhatiya, par exemple, comme on a cité, sifat al-ulu. C'est différent. L'élévation. L'élévation, sifat al-ulu, de l'élévation, c'est considéré comme sifat dhatiya. Allah est élevé, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-a'la. Sabbih isma rabbika al-a'la. Huwa al-ali. Il est le très haut, subhanahu wa ta'ala. Il est le plus haut. Il est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Glorifié et exalté soit-il. Hadi sifat dhatiya. Tandis que al-istiwa indique l'élévation d'Allah. Mais al-istiwa, c'est sifat al-fi'liya. C'est un attribut d'action. Donc Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de son trône. Une traduction relative dans plus de 7 passages du Coran. Où Allah dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. On peut traduire aussi s'est établi au-dessus de son trône. Pourquoi ? Parce que l'istiwa, comme vous retrouvez déjà dans les premiers siècles d'Islam, c'est pas de ce siècle, dans les premiers siècles de l'Islam, et vous retrouvez de grands imams, comme l'imam al-Bukhari et d'autres contemporains et avant lui, ils disaient « Al-istiwa huwa al-sa'ud wa al-irtifa' wa al-istiqrar » Le sens de « Al-istiwa » c'est le sens de s'élever, de s'établir, d'être le plus haut. Et donc Allah Azzawajal s'est établi au-dessus de son trône, s'est élevé au-dessus de son trône. Ça, par exemple, est-ce qu'on peut le nier ? Na'attilu. Là, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est confirmé dans les textes. Aussi bien dans le Coran, comme c'est confirmé dans la tradition prophétique. Est-ce qu'on peut falsifier le sens ? Bimarna istaoula. Là, c'est istawa. Le sens est clair et évident. Par contre, maintenant, el-kayf. On a dit bila ta'til, wala tahrif, wala takyif. El-kayf. Comment maintenant ? Comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône ? Allahu a'lam, ça, on n'a pas le droit de se le dire. Parce que sinon, là, on rentre dans une doctrine qui est interdite. On rentre dans el-mukayifa. Le fait de faire du takyif, c'est être mukayif. Yukayif. On n'a pas le droit de chercher le comment. On n'a pas le droit de même ce comment-là de se poser la question sur le comment. Et d'ailleurs, beaucoup ensuite ont sombré dans des dérives lorsqu'ils se sont posé la question du comment. Mais comment Allah s'est-il établi ? Allahu a'lam. Hadha kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Wa laysa kamithlihi shay. Ça, c'est comme il convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre croyance en tant que musulmans et musulmanes. Allah nous dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. On y croit. On ne falsifie pas. Comment ? Allahu a'lam. On ne sait pas. Comment il s'est élevé ? Yarhamakallah. Comment il s'est élevé ? On ne sait pas. Il nous reste la quatrième interdiction, quatrième condition. C'est quoi ? Wala tamthil. On ne peut pas comparer l'élévation d'Allah Azza wa Jal avec l'élévation des êtres humains. Comment les êtres humains s'élèvent ? On ne peut pas comparer. Donc juste le fait de s'imaginer le comment, on n'a pas le droit. On ne s'imagine pas. C'est pour ça qu'un jour un homme... Et subhanallah, c'est Athar qui nous sont rapportés déjà de grands imams déjà dans les premiers siècles. Alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal que ces Athar ils nous sont été rapportés jusqu'à aujourd'hui. On peut les apprendre, les étudier. Regardez ce Athar, cette histoire qui est rapportée à l'époque de l'imam Malik. Déjà dans les premiers siècles, dans le premier siècle de l'imam Malik, l'imam de la demeure de l'émigration. Un jour, un homme est rentré. Il a dit, yeah, imam. Comment Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de son trône ? Et là, l'imam a eu un silence. L'imam Malik. Il a commencé à rougir. Il a commencé à transpirer. On peut se poser la question, pourquoi cela ? Parce que le croyant, ces questions-là, c'est des choses qui ne se posent pas. On ne peut pas se poser, s'imaginer ces questions-là. C'est inconcevable. Alors l'imam, il a commencé à rougir. Il a commencé à transpirer. Comment se poser une telle question ? Subhanallah. C'est dit dans le Coran. Les compagnons n'ont pas posé ces questions. Allah nous dit dans le Coran, il y a certaines questions qu'il ne faut pas poser. Si les réponses vous apparaissent, je ne vous parle pas de ces questions-là, mais des questions qu'il ne faut pas poser. Si les réponses apparaissent, tasoukoum. Et c'est pour ça que le prophète dans un hadith, il nous dit que des nations précédentes ont péri à cause de trop de questions qu'ils posaient. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Et donc l'homme s'est posé cette question. L'imam a rougi, il lui a dit ensuite, il a répondu à cette question d'une manière immensément remarquable. Et c'est pour ça qu'il y a un très très beau livre, il est Atiqad, qui date des premiers siècles de l'Égypte. Un très beau livre qui a été écrit ensuite, qui a été écrit par son auteur, Al-Imam Al-Lalakai. Al-Imam Al-Lalakai, Sharh. Et Atiqad et Ahl Sunnati wal Jama'a. Ce livre se distingue du fait que tout est relaté avec des chaînes de transmission. Bil Asanid. Et ça, c'est un livre, donc, Min Kutub et Atiqad Bil Asanid. Avec chaînes de transmission. Ce que vous ne trouverez pas ensuite dans les époques contemporaines. Très rare. Vous ne trouverez pas ça. Mais dans la première génération, vous avez vu Kutub al Hadith, ils écrivaient avec Al Asanid. Et ce livre-là qu'il a écrit, Fil Mu'taqad, parce qu'ensuite, dans ces générations-là, il y avait besoin d'écrire le Mu'taqad, sinon, déjà dans les premières années, ils n'écrivaient pas de livres dans le Mu'taqad. C'était clair. Mais lorsqu'il y a eu un besoin, alors des livres ont été écrits sur le Mu'taqad. En l'occurrence, plus tard, l'imam Al-Lalakai va écrire son célèbre Sharh al-Atiqad al-Sunnati wa Jama'a, Bil Asanid. Donc vous pouvez retrouver ces asal de grands imams avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'on peut remonter l'authenticité de ces récits, de ces propos. Juste pour terminer sur alors l'histoire de l'imam Malik, ce récit qui nous est rapporté. Alors cet homme rentra dans la mosquée alors que l'imam Malik donnait un cours dans cette assise-là et interrogea cet homme, l'imam Malik, au sujet de Al-Istiwa. Il l'a interrogé au sujet de ce qu'on appelle Al-Kayfiyya, Al-Kayf, Kayfa. Alors l'imam Malik, c'est là qu'il a rougi, on a dit, il a transpiré, ensuite il a répondu de manière remarquable. Une réponse ensuite qui a été retranscrite, préservée, retenue jusqu'à aujourd'hui. On retrouve cela dans les livres et jusqu'à aujourd'hui, les grands théologiens musulmans font référence à cette histoire lorsqu'il et à sa réponse surtout, lorsqu'il dit « Al-istiwa ma'loum »« Wal-imanu bihi wajib »« Was-su'alu anhu bid'a » Et ça, c'est une réponse immensément remarquable. Lorsqu'il dit vraiment « Al-istiwa ma'loum » L'istiwa, il est ma'loum du fait, il est connu, c'est-à-dire son sens. Ma'na l'istiwa ma'loum. Il n'est pas inconnu le sens. Le sens est connu. Pourquoi ? Parce que c'est relaté dans le noble Coran. Et donc Allah, dans différents passages du Coran, il dit que « Annahu subhanahu wa ta'ala istawa ala l'arsh ». Il s'est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Donc l'istiwa, son sens est connu. Pourquoi ? Parce que le Coran était descendu d'une langue arabe claire et évidente. Par contre, il dit « Wal imanu bihi wajib » Et donc, à ce moment-là, du fait que c'est cité dans les textes, la croyance en cela est une obligation. « Wal kayf majhul bimarna ghayru ma'loum » Et le comment, par contre, est inconnu. Comment ? Allahu a'lam. Cela est inconnu. Par contre, questionner, poser cette question-là, c'est une innovation. À l'époque du prophète, les compagnons entendaient, ils vivaient la révélation du livre, et n'ont jamais posé cette question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils comprenaient le sens de cela, par contre, ils savaient que el-kayf, le comment, il n'est pas à s'imaginer. Et on ne pose pas la question du comment ? Et cette règle-là, elle est valable. Elle est valable pour toutes les sifats, pour tous les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme cela, le croyant, ensuite, il garde un cœur pur. Et il affirme la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ قَالَ فَأَخْرِجُ هَذَا الرَّجُلْ فَإِنَّهُ مُبْتَدِعَ Ensuite, il dit, et sortez cet homme car c'est un innovateur. C'est un innovateur. Donc déjà, dans les premiers siècles, il confirmait qu'il y avait des innovateurs. Des innovateurs. C'est pour cela que le musulman doit rester sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui se voit aimer la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et rester sur les enseignements des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans excès. Pourquoi ? Parce que on voit que toutes ces doctrines qui ont apparu, c'est dû à l'excès. Les savants disent qu'il y a des causes pour l'apparition de l'innovation. Parmi les causes, l'excès, l'exagération dans la religion. Parmi les causes, ils disent « al-jahl ». Vous savez, parmi les causes aussi, qu'est-ce qu'ils disent ?« Iradat al-khayr », vouloir le bien. Certains pensaient vouloir le bien. Par contre, comme on l'a déjà relaté, c'est pas toute personne qui veut le bien que forcément va atteindre le bien. Regardez cette histoire qu'on a relatée dans « Khutbatul Jumu'ah ». À l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est impressionnant quand même. À l'époque de... Alors que Abdallah ibn Mas'ud était vivant. Et on a dit Abdallah ibn Mas'ud, il est mort à peu près en 32 ou 33 de l'Hégire. Et donc déjà à son époque, les gens commençaient à innover dans leur manière d'adorer le Créateur. Et donc vous avez vu déjà à l'époque des compagnons, Al-Bida, elle commençait déjà à émerger. Regardez lorsque Abu Moussa al-Ash'ari, il vint. Alors qu'il est rapporté, au moment où il va pour taper chez Abdallah ibn Mas'ud pour aller lui poser la question, ce qui est très instructif dans cette histoire, c'est que Abu Moussa al-Ash'ari, c'est un célèbre compagnon du prophète, il était connu pour sa récitation du livre. Il était comparé à Al-Daoud, Mazamir al-Mizmar al-Daoud. C'est un compagnon qui avait un grand savoir. Mais regardez, un jour, et à cette époque, ils disent qu'il était émir de Koufa, d'Al-Koufa, une région à l'époque, dira qu'il en était émir. Lorsqu'il vit des gens dans la mosquée qui faisaient du dhikr, mais ils faisaient du dhikr, ils évoquaient Allah d'une manière bizarre. Alors il y avait un homme qui était au milieu, il leur donnait, il prenait la pierre, et il leur disait 100 fois Subhanallah, et tout le monde disait en groupe Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, 100 fois, ensuite 100 fois. La ilaha illallah, et vous êtes tahlil, 100 fois, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 100 fois. Alhamdulillah, c'est des belles paroles. C'est pas que des belles paroles. Dans un hadith, il est dit, c'est les 4 meilleures paroles. Il n'y a pas meilleure parole. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est les 4 meilleures paroles. Si des fois on est assis, on n'a rien à faire, il y a du silence, on a du temps, on veut dire des bonnes paroles, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilallah, Wallahu Akbar, c'est les meilleures paroles. Alors si parfois, encore mieux, on veut dire quelque chose de mal, on sait que là ce qu'on va dire en vérité c'est de la calomnie. La nefs, parce que nefs elle a envie parfois de calomnier quelqu'un, de rabaisser la valeur de quelqu'un, etc. On sait qu'on va faire de la calomnie, on va tomber dans une forme de médisance, ou on va dire une chose, c'est un mensonge. On va dire quelque chose de pas bien. Alors évitez. Et ça, c'est un. Ça, moi, j'ai besoin de plus de rappel. Ça, je me fais le rappel en vérité. Et parce que j'ai besoin de rappel, mais en même temps, on se fait le rappel. Et en même temps, de se dire, bah, à la place de dire ça, je veux dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Imaginez-vous certains savants. Regardez, aujourd'hui, c'est même certains savants sont filmés. On voit des anciens savants. C'est des questions qui leur sont posées. Donc, ils sont à la mosquée. Eux, ils avaient le niveau de faire al-fatwa, de répondre aux questions des gens. À l'époque, que ce soit pour des circonstances, pendant des situations de pèlerinage, le monde entier a besoin de questions. Et les savants, ils sont assis, ils répondent aux questions des pèlerins, ils répondent aux questions des gens. Et vous voyez que les machers, ils sont déjà en ibada, parce qu'ils font du rappel, ils exhortent les gens, ils leur apprennent par exemple les rites du pèlerinage ou autre. En même temps, les gens posent des questions, donc ils sont en ibada. Mais pendant que la question est posée, vous allez voir que les machers, ils sont comme ça. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Ils sont dans un monde, mais malgré ça, pendant la question est posée, on les entend. Parfois même à la radio. À la radio, vous entendez le présentateur, il pose la question au shir pour des baramij qui n'étaient pas filmés. Et on entend le présentateur qui pose la question, il y a shir, on a une question qui nous vient de tel et tel pays. Et on entend le bruit, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pendant que la question se pose. Il va arrêter lorsqu'il va répondre à la question. فَهُوَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. On a besoin de ce rappel-là. Alors, imaginez-vous ces paroles-là. Ces gens-là disaient des belles paroles. Les meilleures paroles qu'on puisse dire. Mais le compagnon Abu Musa al-Ash'ari s'est dit, mais c'est quoi cette manière de faire? Ils n'ont pas connu ça. Pourtant, ils étaient tous ensemble, ils faisaient des dhikr. Regardez le comportement. Il n'a rien dit. Et il s'en alla chez Abdallah ibn Mas'ud. Comme le rapporte l'imam al-Darimi. Et lorsqu'il arrive chez Abdallah ibn Mas'ud, devant sa porte, il vit d'autres gens. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les gens à l'époque, ils avaient l'habitude, ils attendaient Abdallah ibn Mas'ud qui sorte pour aller à la prière et ils l'accompagnaient. Comme jusqu'à aujourd'hui. Les étudiants, lorsqu'il y a un cheikh, ils veulent l'accompagner, marcher avec lui. À l'époque, ils aimaient. Et Abdallah ibn Mas'ud faisait partie des élites, des grands savants de l'époque. Imaginez-vous, les gens lui posaient des questions, il relatait ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous que Abdallah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait que celui qui veut voir la lecture du Coran, vous savez, les isnad, les jazat, elles remontent à Abdallah ibn Mas'ud dans le Coran. C'est, sa lecture est similaire à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lecture d'Abdallah ibn Mas'ud. Imam, c'est un grand savant érudit parmi les compagnons. La plus grande, parmi les plus grandes références chez les compagnons du prophète. Et regardez ce compagnon Abu Musa al-Ash'ari qui va se rendre chez Abdallah ibn Mas'ud. Il trouve les gens qui attendent aussi. Ils attendent la sortie d'Abdallah ibn Mas'ud. Et lui, il veut poser cette question. Il veut faire savoir à Abdallah ibn Mas'ud ce qu'il a vu. Alors là, ce qu'Abdallah ibn Mas'ud dit, c'était un émir quand même, à l'époque de l'Koufa, Abu Musa al-Ash'ari. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu une chose. Et lorsqu'il lui dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, tu n'as pas désapprouvé. T'as rien dit. Il dit, là, j'attendais de voir ton avis. Subhanallah, adab al-ulama. À notre époque, les jeunes, les gens de la masse, ils devancent l'ulama. On a déjà vu même des assises, il y a Sahib al-Im qui est assis, qui est là, des gens viennent lui poser une question, c'est celui qui est là, qui n'a rien à voir, c'est lui qui répond. Bon, Sahib al-Im, il est là, il est assis, il dit rien. Ça nous est déjà arrivé, dans le Umrah, imaginez-vous, là on parle dans d'autres endroits, imaginez-vous Imam al-Kaaba, devant la Kaaba, en ihram, en état de sacralité. Je me rappelle à l'époque, il y avait un groupe qui faisait At-Tawaf. Ils étaient en ihram. Et ce groupe-là, ils avaient un guide. Ils avaient un talab al-ilm. Enfin, talab al-ilm, sahib al-ilm. Inch'Allah, nahsabu, kadalik. Wa in lam yakun, et s'il n'en est pas ainsi, fa'Allah azza wa jal yu'atihi ilman nafi'an. Wa yurzuqu ilman nafi'an. Et lui, il était là avec son groupe. Et donc, des Awem, des gens du groupe, ont posé une question. Est-ce qu'il fallait au dernier tour, vous savez, lorsqu'on arrive au septième, est-ce qu'il faille relever la main et refaire et tekbir lorsqu'on passe à proximité de la pierre noire? Donc, certains savants disent qu'il faille relever la main et disent tekbir. Certains savants ont des avis sur cette question. Alors, les gens ne savent pas, ils ont dit, et un cheikh, on va passer devant la pierre noire, c'est le dernier tour. Shot al-akhir, c'est le dernier. Est-ce qu'on relève la main, on fait takbir ou on ne le fait pas? Il n'a même pas le temps de répondre, déjà un pèlerin du groupe, Ammi. Ce n'est ni un talab al-ilm, ni une référence fil-ilm, Shab, un petit jeune, il a répondu. Il a répondu, il a perturbé. Il a perturbé les anciens qui ont posé la question. Qal al-ulama, Satan dit ça, ça. Alors qu'eux veulent une réponse. Je fais ou je le fais pas? Je relève la main, je fais takbir ou je fais pas? Et c'est pour ça que l'adab, le comportement, c'est la première chose qu'on apprend à indal mashaykh wal ulama. Sahib al-im. Abu Musa al-Ash'ari, regardez, le compagnon, qui est connu pour sa récitation du Coran, Emir al-Kufa, il était à l'époque émir aussi à l'époque de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Ayyanahu Omar radiallahu ta'ala an. Lui, il voit quelque chose, sakat. Et il va chez A'lam minhu ala wa huwa Abdallah ibn Mas'ud. Faja'inda. Il lui dit à Abdallah, Abdallah ibn Mas'ud dit, t'as rien dit? Alam tunkir? Il a dit non, j'ai rien dit. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Il lui dit. Il lui dit parce que j'ai attendu de voir ton opinion, ton avis à toi. Et il lui a dit, tu vas vivre assez longtemps, tu le verras. Et un jour, Abdallah ibn Mas'ud les a vu ce cercle. Et c'est là que je voulais vous faire partager cela, c'est là qu'il lui dit, subhanallah, les vêtements du prophète ne sont pas encore épuisés. Ses récipients ne sont pas encore cassés. Ses compagnons sont toujours vivants. Et vous arrivez à faire des choses qu'on n'a pas appris, qu'il ne nous a pas enseignées. Ça, c'est à l'époque. À l'époque, des compagnons du prophète. Fama balukum fina fi hadha zaman. Kul wahad yabra yakhtari'a. Chacun, il voudrait inventer des adorations. Il voudrait inventer des rites. Il voudrait inventer des occasions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et je termine avec ça, vous avez vu, parfois, à l'époque, on recevait des lettres. On recevait des lettres dans la boîte aux lettres. Maintenant, c'est dans le téléphone. Il faut faire un spécial dhikr. Il y a un rappel. La personne dit qu'il a vu en rêve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a un message du prophète. Il dit le message. Après, il dit, il faut dire 100 fois subhanallah. Il faut dire tant de fois telle et telle chose. Et il faut ensuite le répandre à 100 personnes. Et si tu le fais pas, tu auras des malheurs. Man 'allamahum hadha? C'est qui leur a appris ça? Et aussi certaines prières. Aujourd'hui, on est tel jour, il faut faire telle et telle prière. Ou en telle nuit, il faut faire telle et telle prière. Et comme cela. La meilleure des choses, c'est de se contenter de ce que nous a enseigné le prophète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Il n'y a pas mieux que de rester sur les enseignements du messager d'Allah, sans salam. Et pour ça, on remercie Allah. Nahmadullah wa nashkuruh. Nahmadullah wa nashkuruh. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. C'est Allah qui nous a guidés. Wa 'allamana, et c'est Allah qui a fait qu'on a appris as-sunnah. Wa nahnu fi as-sunnah. Et si vous saviez, ahl-sunnah qalil, sont très peu. Si vous saviez le mérite et la récompense de venir prier dans un endroit où la sunna elle est pratiquée, fil salat, wa fil hay'a, wa fil kayfiyya, et que la mosquée elle est à la sunna, vous savez, il ne faut pas regarder la beauté du lieu. La mosquée elle est faite pour zikrullah, pour takbir wa tahlil. Si vous saviez la récompense qu'il y a de prier dans un endroit où la sunna elle est pratiquée, wa tawhid, يعلم ويدرس, et que l'unicité d'Allah est enseignée, et que l'imam هو على السنة, et vous priez derrière صاحب السنة ويعتقد السنة, si on savait la récompense et le mérite qu'il y a, on lèverait les mains à chaque fois, on remercierait Allah عز وجل. فنسأل الله جل وعلا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وثبتنا على السنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم صل وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.